Je ne paye qu'en magasin une fois que je suis entièrement satisfait. En ce moment, profitez d'une remise immédiate jusqu'à 80€ sur les pneus Goodyear. Profil Plus. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Conditions sur profilplus.fr. Chérie, mes valises sont prêtes. Tes valises? Mais on part qu'un week-end. Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir. Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Skoda. Attends, je connais une technique pour réparer ton pneu. D'abord, tu fais fondre un morceau de caoutchouc avec un briquet, tu vois. Non, mais t'inquiète. T'étales bien au niveau de la crevaison, tu laisses sécher. Ouais, mais... Ensuite, faut gonfler. Tu prends une pompe à vélo. C'est bon, je te dis. Chez Skoda, mes pneus sont assurés 3 ans et 100% remboursés la première année en cas de dommage. Et jusqu'au 13 juillet, le pneu Pirelli 16 pouces est à 65€ seulement. Et je peux prendre rendez-vous sur skoda.fr/RDV. Clic, clic. Ah. Skoda. Passer en mode facile. Offre réservée aux particuliers chez les partenaires participants, conditions sur skoda.fr. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française, mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Voilà, la Bourse de Paris vient d'ouvrir en hausse de 2,25% en dépit des difficultés européennes du moment. Et pour être de vrais explorateurs de jardin, je vous rappelle que Laurent Marsic vous offre 3 livres. Hello Nature, Au Seuil, Les Animaux de la Nuit chez La Martinière et La Coccinelle chez Albin Michel. Jeunesse dans les 3 cas. La question que vous posez, Laurent, était la suivante. La coccinelle a combien de pattes? Elle en a 6. Voilà. 6 pattes. On a passé un excellent moment grâce à vous. On a le droit de réécouter un tout petit peu de Bohème ou non? Bon, moi, je ne veux pas vous... Oui, non, c'est comme vous voulez. Sinon, je suis ravi, on retrouve Julien tout de suite. Hein. Je suis sûr qu'il n'est pas loin. Voilà. On fait une entrée en musique pour Julien. Ladies and gentlemen. Voilà. Now, for the first time. For the first time, yes. In time, in your country, yes. The man who saved the people of Arnak. Alors, effectivement, yes, you save. Il me manque encore un peu de vocabulaire en anglais pour pouvoir faire le bien. Mais on vous comprend très bien, c'est impressionnant. C'est ce qui compte. Oui. Comment allez-vous? Bah, très bien. Quand je vous entends, moi je suis de bonne humeur. Bah, écoutez, moi je vous entends, la France gagne. C'est la vie que j'ai envie de mener. Oui. Voilà. Vous écoutez, voir la France qui gagne. Mais ben, Isabelle derrière, comment va-t-elle? Ben jusque-là, tout va bien. Bon, parfait. Dites-moi, est-ce que vous ne connaissez que cette phrase, Isabelle? À chaque fois que je vous demande ça, vous me répondez ça. Est-ce qu'un auteur pourrait lui en écrire une deuxième? Moi, ma philosophie, c'est l'homme qui tombe du 14e et qui dit voilà. Jusque-là, tout va bien. Ah, c'est vrai. Je vous fais un gros bisou à tous. Vous savez, elle travaille sans auteur, hein, elle improvise en permanence. Mais... Alors parfois, ça tourne un peu en rond. C'est vrai. Oh là là là là. Blanc. Bon, allez, faites-nous une belle émission. C'est on parti. Vous écoute avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Pourtant, ça allait bien jusque-là. Allez, démarrons, mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes en direct, été ou pas été, on bosse, on est là pour vous. Il n'y a pas de rediff, il n'y a pas de best-of, il y a de l'inédit. Et il y a une belle équipe pour vous accompagner. Il y a aussi des cas incroyables comme celui de Ali qui est en ligne, je crois, avec nous. Bonjour Ali. Oui, bonjour Julien. Alors Ali, qu'est-ce que c'est que cette histoire de téléviseur? Écoutez ce que Ali nous a laissé comme message. J'ai acheté un téléviseur sur un site que j'ai payé 1000 euros et je ne suis pas prêt d'en racheter sur Internet. Le mien est tombé en panne il y a plusieurs mois et il n'est pas réparable. Et j'attends toujours que l'on me rembourse. Voilà Ali, on va s'en occuper, ne vous inquiétez pas, j'ai réuni le service après-vente du téléviseur, car il y a ce matin la Divina, Maître Fellonneau, votre avocate. J'ai mis ma casquette de réparateur, fait. Bonjour. Puis, double négociation ce matin, Hervé Pouchol et Bernard Sabat. Bonjour Julien. Et toutes les équipes d'Alain Hazard sont sur le pont, une seule mission, vous aider, vous rendre heureux. Allez, c'est parti. Et merci d'avoir choisi RTL. Donc Ali, le 16 septembre 2015, je vous précise, permettez-moi Ali, d'annoncer le cadeau du jour, puisque comme vous avez fait de cette émission, l'émission la plus écoutée de France, entre 9h30 et 11h, et même aux autres heures de la journée en dehors des infos, eh bien nous allons vous faire encore des cadeaux. Et vous allez, écoutez bien, je suis sûr que ça, vous allez adorer, vous allez pouvoir suivre la 18e étape du Tour de France, grâce à Skoda, le partenaire officiel du Tour de France 2016. Eh bien c'est un pack VIP pour deux personnes. personnes avec un survol en hélicoptère de la 18e étape, Salanches-Megève, donc une étape de montagne. Donc c'est juste extraordinaire. 32-10, touche numéro 2 pour arriver au standard jeu. Et ensuite, vous tapez 1 ou 2. Quel est le surnom de la légende du cyclisme français Bernard Hinault? Est-ce qu'on l'appelait le blaireau? Réponse 1. Ou le putois? Réponse 2. Je serai vous, je ferai 32-10. Touche numéro 2, puis après touche numéro 1. Et voilà, et vous allez pouvoir gagner ça. Il n'y a pas de SMS aujourd'hui, visiblement. Bon, bah écoutez, c'est pas plus mal. On va attaquer donc Ali. Ali, 16 septembre 2015, vous achetez une télévision 989 euros. Comment avez-vous choisi le site, Ali? Sur Internet, c'était un site au hasard. Bon, est-ce que elle valait vraiment le coup, cette télévision, au niveau prix, par rapport à ce que vous aviez pu constater ailleurs? Ah oui, quand même, oui. Elle était bien moins chère. Vous la recevez 48 heures plus tard, tout est correct. Seulement, mi-février, des taches noires apparaissent sur l'écran. Ça. Elle avait des points noirs, la télé, donc c'était... Une télé qui était en pleine puberté, ce qui rend impossible son utilisation. Vous contactez le site vendeur, mais comme vous ne bénéficiez pas de la garantie du site, on vous redirige vers le constructeur qui demande de prendre rendez-vous avec un réparateur agréé qui se déplace quelques jours plus tard. Et quand le réparateur constate que la télévision n'est pas réparable, enfin, il va vous le dire, ça, qu'elle n'est pas réparable. Ah, il me le dit directement. Et on est bien d'accord qu'elle n'a pas marché dès le début, Maître Fellonneau. Oui, enfin juste après, c'est arrivé tout de suite. Je buvais vos paroles. Oui, j'en étais encore à la puberté. C'est pas mes paroles que vous buviez, dites la vérité. Vous buviez un pastis. Non, oui, mais bon, oui, c'est apparu. Quelques temps après, il a reçu en septembre, c'est apparu en février. C'est tout de suite. Qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, la télévision, vous avez relancé le site, pas de nouvelles. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la télévision, elle est plus vendue sur le site et le magasin refuse le remboursement car vous n'avez pas acheté le magasin. Mais c'est d'un compliqué cette histoire. Soyez sympa, dites-moi, Nathalie, ce qui cloche là-dedans. De plus en plus, Julien, maintenant, vous savez que depuis peu, maintenant, la garantie des vendeurs va être de 2 ans, c'est-à-dire que le moindre défaut qui apparaîtra dans les 2 ans de la livraison, ce sera pour vous l'occasion, pour nous consommateurs, l'occasion de demander un échange ou un remboursement. Et donc, il y a eu... Je pense, des accords avec les constructeurs, parce que lorsqu'on ne peut pas réparer, lorsqu'il y a des défauts comme ça qui apparaissent, on sait que c'est un défaut de fabrication, voire de conception. Et le pauvre vendeur, il se dit, attendez, la loi française, elle est sympa, mais c'est très dur pour moi. Donc c'est vrai, maintenant, ce sont les constructeurs qui prennent en charge. Je suis allée dans un grand magasin près de Montparnasse acheter une télévision pour l'euro, comme des milliers de Français. C'est exactement ce qu'on m'a dit, et on le signe. Oui. Et donc, qu'on vous renvoie maintenant sur le constructeur, c'est de plus en plus fréquent. Alors, il faut savoir que le virement aurait été fait pour le rembourser, mais vous n'avez jamais eu de virement à Ali. Voilà, c'est ça. Et quand vous appelez en disant « Est-ce que vous m'avez viré ?» Ils me disent « Mais oui, arrêtez de nous appeler, on vous dit qu'on vous a viré. » Et vous n'avez pas été viré. C'est tellement facile. Alors on va les appeler tout de suite. Je vous signale que j'ai commis une petite erreur pour le jeu. Vous pouvez aussi jouer par SMS, évidemment. Je me disais aussi, ça me paraît cette étape Salanches-Megève sans passer par le SMS, je n'y crois pas. SMS RTL au 74 900 pour gagner la 18e étape du Tour de France en hélicoptère, s'il vous plaît. C'est parti, on appelle maintenant. Donc un gros site marchand, tant mieux. En général, plus ils sont puissants. Bonjour monsieur. Plus ils sont puissants, il y a un monsieur qui passe et qui dit bonjour dans le studio. Votre appel concerne un suivi de commande. Oui. Un suivi de commande, non. Une panne ou une demande d'assistance. Alors tapez 3, allez-y. Tapez 2. Marie a bien préparé son coup. Conformément à nos engagements sur la qualité de service, il est possible que cet appel, sauf avis contraire de votre part, soit enregistré. Non, tu peux. Ah. Mais voilà, ça fait vivre, et j'en suis ravi, quelques intermittents du spectacle qui vont de site en site jouer du violon. Qu'ils se proposent l'été, c'est des petits jobs d'été. Certains vendent des chichis sur la plage. Et bien, il y a aussi des violonistes qui, pendant l'été, vont dans les sites internet jouer à côté du téléphone. Mais ce serait bien pour les jeunes musiciens. Ça serait formidable. Mais la fille de Maître Fellonneau, oui, mesdames et messieurs, est musicienne de très haut niveau. Elle aspire un jour à devenir chef d'orchestre. Et croyez-moi, les jeunes musiciens galèrent pour trouver les premiers cachets. Ils en bavent. Ouais. Oui. Elle est flûtiste et vous faites du pipeau. C'est toute la différence entre vous deux. Et vous pourriez vous taire un peu également. Ça serait bien. Non, je plaisante, mon Bernard. Elle est très bonne. Un peu éculée, mais bonne. On va se retrouver dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Écoutez cette petite alerte, mesdames et messieurs.

Et elle expirait au mois de mars. Et ça, dès le moment où ils m'ont proposé le remboursement, je leur ai expliqué que cette carte, elle est virtuelle, elle n'existe pas. Et donc, ils ont quand même voulu faire ce virement-là. D'accord, sur l'autre carte. Bon, il suffit maintenant. Bon, apparemment, ils ont l'air d'accord pour le faire. On va voir ce que cette dame va nous dire, puisqu'elle est allée à la recherche de je ne sais quoi ou je ne sais qui. Mais en tout cas, je sens la bonne nouvelle arriver. Oui, il faudra qu'elle règle un peu son micro. À mon avis, elle sature un peu, non ? Alors, peut-être que le micro est un peu saturé, parce que j'ai entendu là-bas. Comme ça, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est parce que, bon, alors, tu as appelé quelqu'un parce que le 3-4 joker, je passe. Oh là là, sur la droite, il déborde, il sente. Maintenant, la Formule 1 va vite. Les girafes naissent toujours après 8 mois de gestation. Et je suis à vous dans quelques instants. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à suivre le cheminement, mais il va y avoir quelque chose qui va sortir de là, c'est évident. Je reprends. Vous ne bougez pas, Ali. Dans une seconde, on aura Miss Good Deal. Et dans une seconde, le cas numéro 2. Mais là, mesdames et messieurs, il est grand temps. Bah, c'est ce qui va tourner hein, cet été. Là, il arrive un peu en fin de parcours, mais l'été arrivant, ça va relancer la machine. C'est le Catch and Release de Matt Simon sur RTL. En vous souhaitant le plus bel été et un très bon mardi dans le 9h30-11h RTL. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in, wake up, that's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarifying, we end where we begin. So let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in, wake up, that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Da dum dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum. Catch and Release sur RTL à 9h45 dans le 9h30-11h. Nous avons démarré avec le cas d'Ali. Nous avons eu une interlocutrice chez Mr. Good Deal pour ce téléviseur qui aurait dû être remboursé. Apparemment, problème de carte. Où en est-on, Hervé Pouchol ? La dame est revenue ? Non, j'ai demandé à parler à un superviseur parce que la dame était en train un peu de ramer. Donc là, vous avez le superviseur. Bonjour. En ligne de la plateforme. Bonjour, monsieur le superviseur de Mr. Good Deal. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous aider dans le cas d'Ali ? Je pense que l'on vous a briefé. D'accord, donc je peux savoir pour quelle demande D'accord, donc on ne vous a pas briefé. Hervé, est-ce que vous pouvez réexpliquer à ce monsieur la demande ? Merci, Hervé va reprendre. Je m'en occupe. Allez, c'est reparti. Mais c'est comme ça, c'est ce qui fait le charme de cette émission. Quand on vous dit, nous vivons la même chose que vous, vous le voyez au quotidien. Donc on va réexpliquer à ce monsieur une nouvelle fois. Il y aura une nouvelle fois l'alerte. Je lance donc le cas numéro 2. Michel nous a dit ceci sur l'antenne d'RTL dans le 9h30. Ah, il revient. Non, il avait compris, le monsieur. Hein. Ah, il avait compris, ouais, d'accord. Ouais. Mais monsieur, je veux juste savoir ce que vous pouvez faire pour notre auditeur de Mr Good Deal. Bah, je vous confirme, monsieur, que le remboursement a été fait sous forme d'un chèque qui était édité à la date du 24 juin 2016, d'après les éléments qu'on a sur le dossier. Ah, un chèque le 24 juin, donc il est parti le 24. Exactement. Bon, alors... La question, c'est le 24 juin 2016. Bien, donc il devrait arriver d'une seconde à l'autre maintenant chez vous. Peut-être qu'il faut combien, 4 jours? Normalement, pour les chèques, c'est à peu près 20-25 jours. 20-25 jours pour arriver. Ah oui, mais vous avez pris le service pousse-pousse. Parce qu'il y a plusieurs services à la poste. Il y a le service où... S'il vous plaît, donc nous avons, si bien sûr vous souhaitez avoir plus de renseignements, nous avons notre service juridique ou service marketing qui s'occupe de ce genre. Oui, on va faire ça. Vous pouvez me les passer? Très bien. Je suis désolé, mais là... Vous m'envoyez pas être là, monsieur. Un lien direct. Nous allons entrer en relation avec eux via nos outils internes, d'accord? Regarde. Ils peuvent recontacter monsieur Soali sur son numéro pour lui expliquer. Ah ben ça marche. Merci beaucoup. Très bien. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Voilà, très bien. Je voulais lui faire un compliment, mais c'est pas la peine. Je crois. Si vous voulez, dès que vous sortez de la fiche qui est sous son nez, parce que vous avez bien compris que c'est ça, il ne peut pas dire autre chose que la fiche qu'il a sous son nez. Donc vous pourriez lui dire n'importe quoi, mais n'importe quoi, il reste dans la fiche. Ali, donc 24 jours pour que le chèque arrive chez vous. Bon, attention, c'est un chèque qui est en vacances et qui a envie de prendre un peu son temps. Parce qu'il y a des chèques qui sont savez, hyper... Julien, c'est depuis le mois de mai qu'ils doivent mettre 24 jours à arriver. Alors, à l'échec. On va essayer d'avoir la direction, parce que je me demande, peut-être qu'il y a une minuscule possibilité, une infime possibilité qu'on vous balade un peu, Ali. Donc nous allons essayer d'avoir la direction maintenant. Bernard, Hervé, vous vous en occupez, ou ce fameux service marketing, ou passer par Darty, puisque Darty c'est a racheté Mr Good Deal, parce que si on lui a déjà dit, on vous l'a déjà dit, vous me le promettez, Ali, le coût des 24 jours? Oui, j'ai même les mails... Oui, on lui a écrit que déjà on l'a envoyé il y a 24 jours. Le chèque est parti, on vous rembourse par chèque, etc. Il faut appeler le chèque. Non, attendez, je prends mon portable, j'appelle le chèque. Bougez pas parce qu'il se fout de nous là. Allô, le chèque? Ouais, t'es où? Qu'est-ce que tu fous à Bali? On t'avait dit d'aller chez Ali à Bali. Mais non, chez Ali. Ben voilà, j'ai compris, le chèque est à Bali, en train de surfer. Il revient chez vous. Allez, on appelle la direction, parce qu'on se moque de lui, effectivement. Ali, à tout de suite sur l'antenne d'RTL. Eh bien, pour le cas de l'artisan, mesdames et messieurs, ça va être dans quelques instants, mais c'est le principe de l'émission, toujours aller au bout des dossiers. Je vous rappelle que ce matin, vous gagnez une étape de montagne du Tour de France, Sallanches-Megève, 2 nuits d'hôtel, vous avez bien entendu, 2 nuits d'hôtel dans des 4-5 étoiles, petit déjeuner inclus, survol en hélicoptère, bref, c'est vraiment les 2 jours de rêve pour vous qui aimez le Tour de France, c'est la 17e étape. Ça vaut à peu près 3000 euros l'histoire. 3210, touche numéro 2, puis touche numéro 1, ou SMS RTL au 74 900. L'artisan qui a besoin de nous et qui a besoin d'argent, c'est après ceci. J'en profite également pour vous dire qu'à l'occasion de la tournée Folio sur mer, les éditions Folio et RTL offrent à tous les auditeurs intervenant à l'antenne une sélection de leurs meilleurs titres. Retrouvez tous les détails de la tournée Folio sur mer de la mi-juillet à la mi-août sur les plages du Morbihan et de la Méditerranée sur www.folio-lesite.fr. Vous écoutez Julien Courbet sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? T'es chez Lidl ? Oui, et ils sont complètement givrés. Les 6 cônes de glace, vanille fraise ou vanille chocolat au choix sont à 1,49€ ici. Et c'est le même prix partout. Des cônes glacées pour moins d'1,50€ les 6 et le même prix partout. Le même patron, partout en France, 1,49€ les 6 cônes. Moins de 25 centimes la glace. Ouh, j'en ai encore des frissons. Oh, ça jette un froid. On est mal. Oh, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 3,27€ le kilo, offre valable jusqu'au mardi 5 juillet. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Un vent de révolution souffle sur le camping. On est obligé de se taper la musique de violence. Tu sais ce qu'ils disent, les vieux ? Camping 3. Moi, j'ai arrêté d'écouter de la musique à la mort du chanteur d'Oasis. Il est pas mort, le chanteur d'Oasis. Quoi ? Il est pas mort, Carlos Patrick ? Eh, hey, Carlos ! Oasis, oh ! Qu'est-ce que tu bois, Jojo, t'es dans ? Franck Dubosc et toute l'équipe de Camping 3 vous attendent le 29 juin au cinéma avec RTL. Chérie, mes valises sont prêtes ! Tes valises ? valises. Mais on part qu'un week-end. Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir. Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçu du voyage. Voir conditions sur le site. Bonne nouvelle! Pour vos vacances, Costa Croisière décuple votre bonheur. Désormais, avec le tarif Total Confort, le forfait boisson et bien d'autres avantages sont inclus et disponibles pour toutes nos croisières. Réservez dès maintenant. Costa, le bonheur à la puissance 2. Pour plus d'informations, consultez votre agence de voyage ou costacroisière.fr. Vous trouvez qu'entretenir votre voiture, ça complique toujours votre journée? Eh bien, Patrick, non. Ah non, moi, tout se déroule toujours comme prévu. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Patrick est chez Noroto. Et bien gérer son temps, c'est facile avec Noroto. Les délais annoncés sont respectés. Sinon, désormais, on vous rembourse la main-d'œuvre. Noroto. Conditions et exceptions en centre et sur noroto.fr. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française. Mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Bonjour Michel, soyez le bienvenu dans le 9h30, 11h d'RTL. Comment allez-vous ? Oui, bonjour. Oui, bonjour Michel. Ça va bien ? Non, ça va, je vois bien ça. Mais vraiment, écoutez, ça va super bien. Puis on va surtout tout faire pour vous aider, car on aime bien les électriciens. Et vous travaillez à la confiance, c'est ce que vous nous dites. Fais, voilà. On va mettre ça à l'imparfait. Problème, oui. Avant, vous travailliez à la confiance, mais à mon avis, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus travailler à la confiance. Je ne pense pas, non ? Car une entreprise de BTP vous contacte afin d'intervenir comme sous-traitant. Bien souvent, les grosses boîtes n'ont pas le temps de tout faire, donc elles vont chercher des boîtes plus petites pour aller faire les travaux. Vous aviez déjà collaboré avec elle il y a 4 ans et vous avez eu des problèmes pour être payé. Déjà, et malgré tout, vous retournez là-bas. Le gérant vous promet que la situation a changé. Vous acceptez donc de travailler à nouveau pour lui. Vous visitez les chantiers, vous faites des devis, vous faites des travaux. Les chantiers se terminent. Il y en a pour plus de 12 000 euros. Et vous n'avez aucune nouvelle. Et des SMS, et des téléphones. Et il vous donne des rendez-vous, qu'il repousse au dernier moment. Et il finit par vous proposer un échéancier. Et vous n'avez toujours rien. Donc le dernier dialogue que vous avez eu avec ce monsieur, quel est-il ? C'était, il m'a donné donc rendez-vous un certain jour. Et 24 heures à l'avance, il m'envoie un message en me disant qu'on va aller repousser la date. Est-ce que cette société continue de vraiment travailler ou est-ce qu'elle a des problèmes réellement ? Elle travaille toujours. Écoutez, on va appeler Maître Filono. Là, je ne comprends pas qu'on prenne un sous-traitant. Quand on prend un sous-traitant, c'est qu'en général, on n'arrive pas à faire le boulot soi-même. Enfin, oui, me semble-t-il. Ou que c'est un travail qui ne rentre pas dans ses cordes. On n'a pas la personne adéquate et on préfère faire par un vrai professionnel qui saura bien le faire. Moi, ce qui se passe dans ce dossier, c'est qu'effectivement, on n'a pas de devis signé. On n'a pas. Ben, ce monsieur travaille à la confiance, mais c'est vrai que la confiance, après, devant un tribunal, c'est pas évident. Ceci étant dit, mais on a des SMS. Oui. Très clair. Mais au-delà des SMS, vous êtes intervenu, ne donnez pas le nom, mais vous êtes intervenu, vous, pour travailler chez un particulier. Oui. D'accord. Oui, qui n'a pas souhaité passer à la... Non, mais qui ne passe pas à la radio, ça c'est une chose, mais il y a des noms, etc. C'est facile devant un tribunal, vous pourrez dire, j'étais chez ce monsieur de telle date à telle date, et ce monsieur ne pourra pas dire le contraire. Bien sûr que non. Bon. Non, je l'ai eu depuis, il ne m'a pas dit le contraire, sauf qu'il ne veut pas passer sur l'antenne, c'est tout. Oui, parce qu'il ne m'aime pas, parce que, mais moi, ce monsieur, il me déteste, mais d'un autre côté, je ne savais pas que c'était sa femme ce soir-là. Enfin bon, on ne va pas tout renier, mais c'était pas marqué, il n'y avait pas marqué un badge. Moi, j'ai. Voilà, déjà, elle a dit oui. C'était déjà extraordinaire pour moi. Nous allons l'appeler, si vous le voulez bien, Bernard Sabat, vous êtes sur ce dossier. Oui, nous exactement. Appelons la société qui doit, je le rappelle, 12 000 euros à cet artisan. Et Michel, pour vous, je suppose qu'en trésorerie, c'est ça une... Ça me fait du mal. Oui. Ah ben oui, ça vous fait du mal, évidemment. C'est parti. Nous appelons une société qui est à Paris. Et de là à ce qu'on lance le duplex de la dernière chance, j'en vois pas long. Et ça raccroche. Quand on appelle, ça raccroche immédiatement. Ça, c'est pas très bon signe. Est-ce que, avec le coup du père François Hervé, vous pourriez vérifier si c'est une boîte postale ou s'il y a vraiment quelque chose à cette adresse? Parce que une domiciliation, une peut-être. Une domiciliation, plutôt. Oui. Oui, je suis un peu de votre avis. Allez, on y va. Vérifiez ça. Oui. Et pendant ce temps-là, on réessaie. Deuxième ligne. On a les portables des gérants au pire des cas. On va tenter aussi après. Ça re-raccroche. SBS Bâtiment, bonjour. Oui, bonjour SBS Bâtiment. Julien Courbet à l'appareil. J'espère que je ne vous dérange pas. Nous sommes en direct au moment où je vous parle sur l'antenne d'RTL. Est-ce que je peux avoir un responsable, Monsieur Spiro, Monsieur Bor? Allô? Malheureusement, je ne peux pas les joindre, ils sont indisponibles. Alors, je vous explique, il faudrait que vous puissiez me passer quelqu'un. C'est pour un artisan qui n'a pas été payé et qui galère un peu parce qu'il court après l'argent que doit SBS Bâtiment, d'après ce qu'il nous a dit. Donc, qui est disponible chez SBS Bâtiment à Paris aujourd'hui? Malheureusement, j'ai personne n'est disponible, monsieur. Ah, parce que là, je suis sur un standard peut-être décentralisé. Effectivement. Voilà, j'entendais du bruit derrière, donc c'est un standard décentralisé. Bien, eh bien, vous ne pouvez me passer personne. Je vous remercie, madame. Allô, Giro. Allô, bonjour, monsieur Bor. Monsieur Spiro. David Bor. Allô. Monsieur Bor. Oui. Oui, bonjour, monsieur Bor. Julien Courbet sur l'antenne d'RTL. Nous sommes en direct, monsieur Bor. Pardon de vous déranger. Monsieur Bor, je suis avec Michel Guarda qui va vous expliquer pourquoi il est sur l'antenne d'RTL. Michel, allez-y. Mais monsieur Beurre, j'attends toujours mes règlements depuis un an et demi. Je crois que vous lui devez 12 000. Facture 2944, 2961, 2986. Il a raccroché. Il a raccroché, monsieur Beurre, il a changé justement de bord. Alors, eh bien, on va lancer des appels. Donc, il s'agit de la SARL SBS Bâtiment qui se trouve 26 rue Pigalle à Paris. Vous ne seriez pas contre aller faire un duplex là-bas, Hervé Pouchol. Faut pas insister non plus. Hein. Et monsieur Serge Spiro ou monsieur David Bor. Bon, alors apparemment, vous voyez que c'est un... Et ça, c'est des petites choses que vous pouvez vérifier. Vous voyez, c'est tout bête, mais quand vous faites travailler une entreprise et que vous appelez, que vous vous apercevez que vous tombez sur un standard comme ça, qui est un standard pour plein de sociétés... C'est jamais pour une société de bâtiment, je trouve que c'est pas terrible, personnellement. Enfin bon, peut-être que je me trompe, ça ne serait pas la première fois. Monsieur David Bor, on va donc insister, vous rappeler une nouvelle fois. Bernard, vous avez quelqu'un en ligne? Non, de nouveau. Je laisse un message sur le répondeur. Julien. Bon, parfait, ça marche. On va se retrouver dans quelques instants, Michel, ça va être le fil rouge et vous allez voir que nous allons insister et finir par avoir quelqu'un. Sinon, Maître Felloneau va vous expliquer comment attaquer. Peut-être qu'il y a des témoignages qui vont arriver sur le standard 3210. On se retrouve dans quelques instants, une alerte. Julien, on va revenir sur le cas numéro 1, le cas d'Ali et son téléviseur. Vous savez qu'il y a des problèmes avec Mr. Good Deal. Avec Mr. Good Deal. J'étais pas très très sûr du coup du chèque de 25 jours, donc je me suis permis d'appeler la direction de Mr. Good Deal et j'ai bien fait parce que j'ai eu la confirmation et ça ne sera pas un chèque, ce sera un virement. Et le virement vient d'être effectué. Oh, c'est génial, voilà. Est-ce qu'il est là, Ali? Ali, bien sûr que je suis là. Bah Ali, apparemment le virement vient d'être effectué. D'accord, ben j'espère parce qu'ils me l'ont dit plusieurs fois. Ah oui, mais là ils nous l'ont dit à nous. C'est pour ça que vous nous avez appelé. Et donc vous allez nous dire ça dans la semaine, comme quoi vous allez me confirmer que le virement est vraiment arrivé, d'accord ? Sans problème. En vous souhaitant une bonne journée, Ali. Bravo, Mr. Good Deal. Bravo aussi, Darty. On est content. On continue. On se bat pour vous. 3210. Quand Marie a eu l'idée de casser le mur du salon pour faire une cuisine américaine, Hervé s'est dit que la vraie bonne idée, c'est de profiter du festival de juillet Bricomarché. Vous avez des idées? Bricomarché a les prix. Du 29 juin au 10 juillet, Bricomarché crédite sur votre carte fidélité 15 euros par tranche de 100 euros d'achat. Et ça sur tout le magasin. Bricomarché, pouvoir tout faire moins cher. 15 euros par tranche de 100 euros, magasin participant sur bricomarché.com. Salut vieille branche. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Mais tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage? Pile là où je les empile? Mais oui, et je dirais même plus, pile poil. Ah, ça va mieux. Eh oui, Total s'engage à vous livrer vos pelets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pelet Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpelet.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Leclerc. Allô Philippe? Oui mon amour. Mais t'es parti où avec ma voiture? Chez l'auto Leclerc, je te fais poser des pneus Goodyear. Ah bon? Ah oui. En ce moment, jusqu'à 100 euros de remise en bon d'achat pour l'achat et la pose de 4 pneus Goodyear. Et comme on prend ta voiture pour partir en vacances, il me faut des bons pneus. À prix Leclerc. Du 22 juin au 16 juillet dans les centres l'auto Leclerc, bénéficiez jusqu'à 100 euros en bon d'achat pour l'achat et la pose complète de 4 pneus Goodyear. Garantie crevaison 2 ans offerte. Voir conditions détaillées et liste des centres l'auto Leclerc participants sur auto.leclerc. T'as de bons pneus là, tu sais. Embrasse-moi. Vous avez choisi le 9h30, 11h. Vous avez choisi RTL, la première radio de France. Vous avez choisi l'été. Un été de rêve sur RTL, c'est ce que nous vous souhaitons. Merci d'être avec nous chaque matin. What's the sense in sharing this one and only life? Il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec Céline Landreau. Bonjour Céline. Bonjour Julien, bonjour à tous. C'est une première en France, RTL vous le révélait ce matin. Le préjudice d'attente et d'angoisse est reconnu par les assurances 8 mois après l'accident tragique de Puisseguin en Gironde. 43 personnes y étaient mortes, brûlées vives. 500 proches de victimes et survivants sont concernés. Ils toucheront 12 000 euros pour le préjudice d'attente et 40 000 pour le préjudice d'angoisse. Là aussi, c'est une information RTL. Près d'un an après l'attentat déjoué dans le Thalys, aucune des mesures de sécurité promises n'a été mise en place. Contrôle des bagages, des agents de sécurité armés dans les trains. Les décrets d'application de la loi Savary ne sont pas signés car trop compliqués à rédiger. 2500 policiers et gendarmes mobilisés, des contrôles systématiques et une centaine d'interdictions de paraître. 11e manifestation parisienne contre la loi travail, très surveillée cet après-midi à Paris. Cette fois, pas d'interdiction ni de volte-face du gouvernement et un parcours classique. Départ à 14h de Bastille, direction Place d'Italie. Premier sommet européen post-Brexit, les 27 plus 1 se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles et vont presser le Royaume-Uni de déclencher rapidement la procédure de divorce. Le moral des Français fléchit en juin, il baisse d'un point selon l'indice de l'INSEE. La cause, un regain de pessimisme sur le niveau de vie. Dans le même temps, l'embellie se confirme en revanche dans le secteur du logement. Les mises en chantier ont progressé de 3,8% sur les 3 derniers mois par rapport à l'an dernier. La Bourse de Paris a ouvert en hausse ce matin, plus 2,25%. Le CAC 40 s'établissait à 4074 points. La Bourse de Londres, dans le même temps, rebondissait elle aussi, plus 2% quelques minutes après l'ouverture. Ils sont déjà héros en leur pays. Les Islandais, incroyables tombeurs des Anglais, hier soir seront les futurs adversaires des Bleus, dimanche en quart de finale de l'Euro. Victoire 2-1 de l'Islande alors que les Anglais avaient ouvert le score dès la 4e minute sur un pénalty de Wayne Rooney. Dans l'autre rencontre, l'Italie a sorti l'Espagne tenante du titre 2-0. La météo, avec une France coupée en deux. Aujourd'hui, du soleil au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon, plus de nuages au nord avec quelques pluies, notamment en Lorraine et sur le nord-ouest en fin d'après-midi. Les températures de 18 degrés près de la Manche jusqu'à 33 cet après-midi en Provence pour les maximales. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. Le quintet à Saint-Cloud, Bernard Glass vous propose de jouer le 6, le 3, le 11, le 2, le 12, le 13 et le 15. 6, 3, 11, 2, 12, 13 et 15. Sa dernière minute, c'est le 15 initial. Attention, le 4, Summer Quality est non partant. 10h et 3 minutes à l'écoute d'RTL. Julien Courbet revient maintenant pour la suite de Ça peut vous arriver. Merci beaucoup et d'autres infos tout à l'heure avec plaisir à partir de 11h ce matin. À tout à l'heure. On vous souhaite un bon mardi à vous tous. Ce matin en direct, car il n'y a pas de best-of dans cette émission. Il n'y a que du direct ou rien. Et pour l'instant, c'est du direct. Rien, ça sera mi-juillet, mi-août, mais il y aura d'autres émissions tout aussi intéressantes. Ali qui achète un téléviseur, près de 1000 euros, il arrive, il est livré, il ne marche pas. Bref, on lui dit, vous avez été remboursé, il ne l'était pas. On lui dit, on vous a envoyé un chèque, mais il faut que le chèque mette 24 jours pour aller maxi. Chez vous. Maxi, un grand maxi, parce que ça dépend. Il y a des livreurs qui mettent 2 jours, d'autres 23, oui. Celui de 24. Et par bateau. Bah, il aime bien s'arrêter, prendre des photos et tout ça, le livreur des 24 jours. Mais enfin bref, ça faisait 8 fois qu'on lui disait ça, et là on a eu la direction, c'est bon, normalement le virement est parti ce matin. Ouais, confirmation du virement. Merci Mr Good Deal. Un point de droit là-dessus, super important et qui intéresse vraiment tout le monde, Maître Fellonneau. Vous savez que maintenant, tous les vendeurs, que ce soit sur Internet ou en boutique, ont l'obligation de vous indiquer la durée de disponibilité des pièces détachées. C'est déterminant parce que quand vous achetez un produit, vous saurez s'il est réparable ou pas. Et d'ailleurs, moi j'en ai la preuve parce que c'est un site très sérieux, effectivement, il le prouve avec Ali. Sur sa facture, il a acheté plusieurs produits et bien on voit disponibilité des pièces non communiquées. Ça veut dire que là, il a acheté pas cher à mon avis s'il y en a plus. Disponibilité 2 ans, ou alors on ne vous l'indique pas, ça veut dire qu'effectivement pendant 10 ans vous pourrez réparer, c'est important. Donc attention, merci, ça c'est un vrai bon tuyau que nous donne Maître Fellonneau. Vous achetez pas cher, mais ça veut peut-être dire aussi qu'il n'y aura pas de pièces détachées disponibles. Et oui, ce qu'on appelle les fins de série. Deuxième cas, c'est le cas de Michel, l'électricien. Je suis électricien, j'ai travaillé en sous-traitance, on me doit près de 12 000 euros. Et là, nous avons appelé, donc Michel nous a expliqué son problème. Nous avons appelé la société qui lui doit 12 000 euros, la SARL SBS bâtiment rue Pigalle à Paris, où nous tombons sur un standard pour plein d'entreprises. On arrive à téléphoner à monsieur David Bord qui nous a raccroché au nez. Vous avez réessayé ? Oui, j'ai réessayé. J'ai réessayé, Julien. Je lui ai laissé un message pour qu'il nous rappelle en expliquant que ce n'était pas une blague. Peut-être l'avait-il cru. Je ne vais pas vous mentir. Et puis j'ai rappelé le siège et j'ai demandé qu'on puisse parler à un responsable. Il me dit c'est monsieur Spiro, Serge Spiro, qui est vraiment le gérant actif et que j'essaie d'appeler son portable. Lui aussi, il laisse sonner une fois et il raccroche. D'accord. Peut-être essayer Fantasio dans ces cas-là, qui est son adjoint, qui pourra vous répondre. Donc monsieur Spiro, monsieur Bord, la SBS bâtiment, il y a juste un artisan qui a travaillé pour vous et à qui vous devez 12 000 euros. Que vous ne nous parliez pas à nous, je peux le comprendre. Mais dans ces cas-là, appelez Michel et dites-lui ce que vous allez faire pour lui. Parce qu'on ne peut pas comme ça envoyer des sous-traitants et ne pas les payer au bout de toutes ces années, alors que l'entreprise, visiblement, n'a pas coulé, n'a pas fermé, continue de travailler. Michel, on attend toujours des nouvelles de monsieur Bord et nous allons faire un Borton et un Spiroton. Aujourd'hui, tous les matins, nous lancerons un petit appel pour qu'il vous donne des nouvelles. Donc, j'espère qu'ils vont avoir l'intelligence de vite réagir et de trouver une solution, car il n'est pas contre un échéancier, Michel. Le but du jeu, c'est pas le couteau sous la gorge payé, c'est juste au moins donner des nouvelles et dire ce qui se passe. Un troisième cas va être lancé, mais auparavant, j'aimerais qu'on fasse un petit point, mesdames et messieurs, parce que c'est un feuilleton, cette émission, sur tout ce qui s'est passé hier. Et nous le ferons régulièrement, nous reviendrons sur ce qui s'est passé hier. Donc, là, une petite pause, et après, on voit si des choses ont bougé dans l'après-midi. RTL 3210, Facebook, la page, ça peut vous arriver, et surtout, le méga cadeau. Merci de faire de cette émission l'émission la plus écoutée de France. Je vous offre, grâce à Tonton Georges, c'est lui qui donne les cadeaux, une expérience VIP hors du commun. Grâce à Skoda, grâce à nos amis de Skoda, le partenaire officiel du Tour de France, un pack VIP pour deux personnes pour suivre en hélicoptère la 18e étape Sallanches-Megève. C'est un contre-la-montre. Il y a deux nuits d'hôtel, il y a les transferts, il y a tout. Enfin bref, c'est le rêve absolu pour ceux qui aiment le Tour de France. 3210, touche numéro 2 pour arriver au standard jeu, puis 1 pour donner la bonne réponse. SMS RTL au 74 900. A tout de suite sur RTL. Bonjour, c'est Stéphane Carpentier. 4h30, 7h, RTL Matin. Tout savoir sur l'actualité, mieux comprendre les débats qui animent le pays, découvrir les tendances qui vont changer notre quotidien. Je vous retrouve tous les jours dès 4h30 avec la fine équipe et Marina pour les petits matins de RTL. Un seul mot d'ordre, la bonne humeur, grâce notamment à notre bloc-notes quotidien pour bien démarrer la journée. Quel faillot, ça, Cyprien. Hello, merci. Il est gourmand, il a raison. Rendez-vous demain de 4h30 à 7h. Sur RTL. Carrefour Market fête ses clients. Je me lève tôt pour être la première à votre fête. Il y a quoi de spécial aujourd'hui? Une offre gourmande, Michel. Market fête ses clients avec des prix choc à savourer d'urgence. Oh, vous me mettez en appétit. Jusqu'au 3 juillet, il y a 30% d'économie sur la carte de fidélité sur une sélection de produits de marque comme sur le pot de Nutella. Vive la fête de le petit-déj. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Le pot de 1 kg, modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Pour votre santé, évitez de grignoter. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Hier, nous avons eu Gérard. Gérard s'est payé une jolie moto, mais il ne pouvait pas la piloter car elle n'était pas adaptée à sa taille. La selle devait justement être adaptée, ce qui n'est pas le cas. Nous avons eu Ducati et le patron nous a dit « je m'en occupe ». À cette heure, à l'heure où nous parlons, pour l'instant, rien n'a été fait, mais c'est tout à fait normal. Il lui fallait quelques jours, on est d'accord Hervé? Ah, nous sommes d'accord, c'est très rare d'avoir le directeur général, mais là au moins, il s'est engagé à faire quelque chose. Michel est restaurateur, il se paie une pergola, 46 000 euros, c'est le prix du devis, il lâche 36 000 euros, il reste 10 000 à payer, il devait y mettre des clients et la véranda, la pergola, prend l'eau, il ne peut mettre aucun client. Nous avons appelé Monsieur Store, local, qui nous a dit, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire parce qu'il vient souvent, hein, ceci étant dit, une trentaine de fois, mais mon fournisseur belge, comme si c'était le problème du client, mon fournisseur belge, malheureusement, ne me donne pas les bonnes pièces, donc je suis bloqué. Nous avons appelé le siège de Monsieur Store, où là encore, un patron nous a dit qu'il allait intervenir. Exactement, il nous a demandé 72 heures pour faire justement le point précis avec son interlocuteur local, et je pense qu'ils vont intervenir très vite, voire changer cette pergola. Mais aujourd'hui, pour l'instant, rien n'a été fait, mais c'est normal, on attend 48 heures, c'est juste une petite piqûre de rappel pour montrer à tout le monde qu'on ne lâche pas les dossiers. Quant à vous, Sarah, nous avons eu une super bonne nouvelle, c'est nos amis les curés de la région bordelaise qui sont passés par une entreprise. Alors il y avait, je vous le rappelle, un devis pour un changement de serrure avec tant de clés fournies. plus des clés supplémentaires. Ils avaient bien marqué sur le devis « à fabriquer » parce qu'ils ne les avaient pas à disposition. Et maintenant, ils disent au curé, l'entreprise en question, eh bien, c'est le service aquitain, agence de Plassac, à deux rues de la Gaîté à Plassac. Eh bien, les clés en plus, messieurs les curés, vous allez les payer. Et hier, sur le chantier de solidarité où on est, à Saint-Étienne, quelqu'un a écouté. Et oui, ce quelqu'un s'appelle Antoine Pozzi, de la société Abacaid à Lyon. Un petit indice, il est serrurier, plombier. Il va vous annoncer la bonne nouvelle, Julien. Bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour. Alors, bien, doublement merci. Déjà, ce monsieur, mesdames et messieurs, il est sur un chantier de solidarité. Il a fermé sa boîte pour aller aider une maman et son fils qui ne peuvent plus se loger. Il est donc extraordinaire. On va l'applaudir très, très fort. Il fait partie de ces super artisans. Est-ce qu'on a Jean-Michel qui est en ligne également? Jean-Michel? Oui, oui, Julien, je vous écoute. Alors, Jean-Michel, regardez, les voix de notre émission sont impénétrables, car un monsieur qui est en train d'intervenir à Saint-Étienne a quelque chose à vous dire. Oui, bonjour Jean-Michel. Bonjour. On a entendu votre histoire et du coup, nous, on trouve pas ça vraiment normal par rapport aux documents qu'ils vous ont fait. Donc du coup, on se propose de vous fournir les clés. Si vous nous envoyez la carte de propriété, on vous fabrique les clés et on vous les envoie gratuitement sur Bordeaux. Bon, alors je vais vous dire une chose. Depuis le dernier... notre dernier contact avec RTL, parce que nous ne sommes pas restés sans bouger, nous aussi, parce que bon, comme nous avons des travaux sur le presbytère, ce manque de clés, ça se venait de plus en plus difficile. Donc, nous avons recherché sur Internet et nous avons trouvé une société qui s'est proposée de nous faire les clés. Mais en payant. Donc, ah, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Essayez, oui, vous avez lancé, ben, vous avez payé. Nous avons besoin de clés. Hein. D'accord. Et vous avez payé, c'est fait? Voilà. Alors, les clés doivent arriver aujourd'hui par Colissimo. Bon, eh bien, écoutez, moi, je voulais vous annoncer que ces gens-là étaient prêts à vous faire les clés. Oui, mais bon. C'était bien gentil à eux aussi. Hein. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Ben, pas ce qui compte, c'est que vous ayez vos clés. Donc, on va remercier une nouvelle fois cet artisan qui s'appelle... Antoine Pozzi. Merci à Antoine Pozzi. D'origine italienne, ben, Antoine. Merci. Antoine, vous êtes d'origine italienne? Oui. Exactement, oui. Moitié italienne, moitié sicilienne. Aïe, aïe, aïe, hier soir, vous avez dû boire du petit lait? Oui, c'était parfait. Ah, c'était parfait, 2-0, hein. Ils sont bons les Italiens. Merci beaucoup, merci Jean-Michel. Voilà, merci à RTL quand même d'avoir fait bouger tout le monde. Hein. Est-ce que vous avez des horaires? Vous voulez que j'annonce des horaires de messe ou vous fasse un peu de promo? Oh non, nous avons notre publicité ici qui marche très parfait. Bien. Non, parfait. Bah oui, ils achètent des spots sur les différentes radios, chez nos amis d'énergie, tout ça. Le père là-bas, lundi 15h, messe, le 17 à Noyant, le 18. Enfin bref, ils ont le droit de faire comme ils veulent. On vous fait de gros bisous à tous. Merci de votre générosité. Ça fait du bien de voir qu'il y a des gens comme ça qui se battent les uns pour les autres. Dans une seconde, d'autres cas. Nous aurons notamment le coup du canapé électrique et le coup du paysagiste aussi. Le paysagiste qui, le malheureux, se retrouve avec un plancher qui est une catastrophe, Maître Felono. C'est ça l'histoire? Je crois bien. Écoutez ce que va nous dire Louis. Je suis paysagiste et j'ai commandé auprès d'une entreprise du plancher en bois recomposé. Mais sur les terrasses de mes clients, les lames de ce plancher se fendent. Depuis, l'entreprise n'a pas trop l'air de s'en soucier. C'est à suivre sur RTL après avoir écouté ce qui est l'un des tubes de l'été, l'un des tubes RTL dans le 9h30-11h, c'est Navi et son fameux « J'écoute » du Miles Davis. Ma sur RTL. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on sera plus ensemble, si fier qu'on s'abandonne. C'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. Afflige des supplices, puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen, la peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile en font Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. La nuit tu es seul, peu importe qu'on sait. casse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Dis-moi encore que tu m'aimes. Au fond de cette spirale, ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Du Miles Davis sur l'antenne d'RTL. Nous sommes, je vous le rappelle, en direct et nous attendons toujours des nouvelles en ce qui concerne Michel, électricien qui a travaillé en sous-traitance. La SARL, SBS Bâtiment, rue de Pigalle à Paris, monsieur Spiro, monsieur Bord. Merci d'appeler directement si vous le souhaitez, Michel, à qui apparemment vous devez 12 000 euros. Nouveau cas, celui de Louis, on y reviendra demain, bien sûr. Le cas de Louis, Louis est paysagiste, il est en ligne avec moi. Louis, bonjour. Oui, bonjour Julien. Comment allez-vous, Louis? Bonjour à tous. Vous... Bah ça va, un peu stressé. Oh, il faut pas, Louis. Maître Felloneau, déstressez-moi le Louis, vous savez y faire. Écoutez, ça va. Vous savez déstresser les hommes au téléphone. Oui, au téléphone. Voilà. Déstresse, mon pote. Voilà. Vous avez vu, Louis? Elle travaille à l'ancienne. Le tutoiement. Allez, vas-y. Va dans la chambre bleue, je te rejoins. Ouais. Je passe à la binaire. Alors, vous êtes paysagiste et vous rencontrez une entreprise lors d'un salon professionnel en 2013. Et elle vous vante les mérites de son plancher en bois recomposé. Alors vous êtes séduit par la présentation et vous leur passez commande, 3421 euros pour un de vos clients? Oui. Pour enfin, deux clients, oui. Et l'un des clients vous appelle car des lames seraient fendues. Alors peu de temps après, l'autre client vous contacte et vous dit « Moi j'ai des taches sur ma terrasse malgré un entretien régulier ». Un commercial de l'entreprise qui vous a vendu pour vos clients ce plancher vient et constate les problèmes sur les deux chantiers. Un rapport aurait été rendu au service qualité, mais vous n'en avez jamais vu la couleur. Alors on va aller très vite à titre commercial. Qu'est-ce qu'il vous propose? De nouvelles lames? Non, il me proposait uniquement de me remplacer les trois lames fendues. Bien. Un huissier est venu, a réalisé un constat en votre faveur et aujourd'hui, que disent... Alors, les clients ne sont toujours pas satisfaits car d'autres lames se fendent. La situation nuit à la réputation de votre entreprise. Et que dit celui qui a inventé ce procédé en bois recomposé révolutionnaire? Il dit pas grand-chose. Il dit que les tâches, c'est uniquement du ménage à faire. Oui. Ça, c'est le responsable R&D qui m'a dit ça. D'accord. Et que je devais nettoyer la terrasse de mes clients, mais dit que je nettoyais mon salon. Bien. Donc, on va appeler pour leur demander. Ben oui, on va appeler pour leur demander d'autres explications. Maître Felloneau. Oui, juste quelque chose qu'avait noté votre avocat, qui a fait une mise en demeure. Sur la plaquette, hein, sur les qualités de ce produit, il est marqué en gros, énorme, ne nécessite aucun entretien, puisque notre matériel intègre déjà un traitement anti-tache, ne se déforme pas. Bon, c'est presque de la publicité mensongère sur ces chantiers-là. Puisque aujourd'hui, on lui dit qu'il faut nettoyer. On se retrouve dans une seconde. N'oubliez pas, 3210, touche numéro 2, puis touche numéro 1 pour gagner une expérience Skoda, la 17e étape du Tour de France, épreuve contre la montre de montagne entre Sallanches et Megève avec deux nuits d'hôtel. 3210, touche numéro 2, puis touche numéro 1, ou SMS RTL au 74 900. Envie d'acheter ce que vous aimez à prix tout doux en beauté, bijoux, maison et mode? La solution, c'est QVC. Chaque jour, dès minuit, découvrez le Today Special Value, l'offre privilège du jour. Alors à ce soir, sur la chaîne télé QVC et la boutique en ligne QVC.fr en tapant trois lettres QVC.fr. QVC, achetez ce que vous aimez, aimez ce que vous découvrez. RTL, première radio de France. Message de Natacha Harry, présidente bénévole de la SPA. Cette année encore, 60 000 animaux seront les grands perdants de l'été. Pour aider les refuges de la Société protectrice des animaux à les prendre en charge, soutenez-nous. Faites un don sur la-spa.fr. La SPA vient d'obtenir le label Don en confiance. Avec RTL. Valises. Mais on part qu'un week-end. Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir. Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grande marque au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. En France, notre artisanat est reconnu dans le monde entier. On a le souci du détail. Dans nos métiers, quand on choisit nos outils ou nos matériaux, on veut de la qualité et de la fiabilité. Pour mon véhicule utilitaire, j'ai donc choisi le numéro 1. Chez Renault, l'excellence est fabriquée en France. La gamme Renault Pro Plus Euro 6 est à partir de 7 990 € hors taxe. Prix d'un Kangoo Express Compact Énergie DCI 75,6 € incluant 4 360 € de remise et 1 500 € de prime reprise d'un véhicule de plus de 4 ans. Réservé aux professionnels jusqu'au 31 août, voire Renault.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Sur RTL. Nous aidons Louis à 10h21 dans le 9h30, 11h RTL en direct et nous appelons tout de suite cette société qui lui a vendu un plancher en bois recomposé révolutionnaire qui ne demande aucun entretien et il a des problèmes avec tous ses clients. Allô, Neolife ? Oui. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL, j'espère que je ne vous dérange pas. Est-ce que je pourrais avoir madame Moulin ? C'est moi, bonjour. Ah, vous êtes madame Moulin, bonjour madame. Madame Moulin, je suis avec Louis Argou de Jour de Jardin qui va vous expliquer pourquoi il est sur l'antenne d'RTL avec nous. Louis, c'est à vous. Oui, bonjour madame Moulin, je pense que vous vous souvenez un petit peu de moi. On s'était rencontré à Vizalia en 2013 et puis on a eu quelques différends au niveau de... la qualité de votre produit qui ne correspond pas tout à fait à ce que vous m'aviez vendu à l'époque. Malheureusement, suite à mes nombreuses relances... Madame Moulin, c'était mises en œuvre sur lesquelles on a essayé de vous apporter des solutions. Alors, on va laisser parler madame une seconde. Madame, vous préconisez quoi, vu qu'il a ses clients qui se plaignent? Bah, écoutez, on a bien enregistré en fait les demandes de M. Argou. Ouais. Si ma mémoire est bonne, il s'agit de deux balcons sur lesquels il constaté... Non, ce n'est pas des balcons apparemment. Non, ce sont des terrasses. D'accord. Écoutez, moi j'invite surtout M. Argou à reprendre contact avec nous. Il fait que ça, madame. La communication, malheureusement, a été interrompue parce qu'il y a eu peut-être une incompréhension de notre part. Mais en tout cas aussi une difficulté de compréhension de la part de M. Argou. Je crois qu'il est à Lyon. Nous-mêmes, nous sommes à Lyon, donc on a quand même une certaine facilité à pouvoir s'expliquer. C'est facile à chaque fois de mettre en cause les matériaux. Les matériaux exigent effectivement du professionnalisme. Alors, madame, ça tombe bien que vous disiez ça, car j'ai en ligne également Yves Manon. Yves Manon, bonjour. Bonjour. Bonjour Yves Manon, vous êtes paysagiste vous aussi ? Je suis paysagiste à peu près depuis une cinquantaine d'années. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez des problèmes? Parce que s'il y a un problème de professionnalisme avec M. Argou, est-ce qu'il y en a avec vous? Expliquez-nous. Non, avec M. Argou, pas du tout. C'est un confrère qu'on connaît très bien. Par contre, avec la société Neolife, Mme Moulin, je pense qu'elle ne me connaît pas personnellement, mais son directeur technique, M. Voisin, nous connaît très bien. Avec quelques soucis qu'on a eus sur un chantier qui a été repayé, bien sûr, par Neolife, que je comprends très très bien. Cause d'un produit, je pense, mauvais, trop vite fait. Et donc, on a refait. Il semble là aussi qu'on s'est expliqué. Vous savez, on a posé plus de 45 000 mètres carrés de terrasse. Oui, non, mais attendez. Sans aucune difficulté. Trouve étonnant, Monsieur Courbet, que vous m'appeliez à mon travail. Ben, vous voulez que je vous appelle où préparé. À votre club de tennis ou vous voulez que je vous appelle, madame? Évidemment, c'est un problème professionnel, je vous appelle. Par contre, monsieur, vous avez invité des personnes. Oui. J'ai aussi un. Elles sont en ligne. Mais c'est pour ça que je vous appelle, madame. C'est pour ça que je vous appelle. Si je vous appelle pas, madame, expliquez-moi par quel miracle vous allez avoir un droit de réponse si je ne vous appelle pas à votre travail. Mais monsieur, il suffit de m'appeler. C'est ce que je suis en train de faire là. On se parle à ce moment actuellement. Vous pouvez m'inviter effectivement à préparer cette intervention. Ces personnes-là arrivent en dénommant une entreprise. Oui. Et en plus de ça, en dénommant des personnes directement. Alors madame, simplement, Maître Fellonneau va nous faire un rappel. Absolument pas fair play. D'accord, écoutez madame, je vous assure madame que si tout le monde est content et qu'à la fin les clients sont contents, on dira que vous êtes les personnes les plus extraordinaires du monde. Là-dessus, invite justement je sais, à juste madame. Clients qui sont je voudrais quand même, mais bien sûr, alors ça, on pourra le faire aussi. Si vous voulez, le problème aujourd'hui, c'est que mon émission est une émission où je règle les problèmes. Mais je pourrais un jour inventer une émission où je prendrais à l'antenne des gens qui sont contents. Si c'est ça qui vous fait plaisir, madame, on le fera. Juste, il y a eu une lettre d'avocat. Il faut avoir une vision globale. Oui, nous sommes déjà en contact avec monsieur Argou et monsieur Manon à travers notre service. Madame, est-ce que vous avez dit à monsieur Argou, s'il vous plaît, madame, expliquez, laissez-moi juste vous poser une question. Est-ce que vous avez dit à monsieur Argou qu'il fallait nettoyer absolument le matériel, que c'est pour ça qu'il tâchait? Est-ce que vous lui avez dit ça? Le matériel, alors d'abord il s'agit de matériaux de construction. De matériaux de construction, merci de me reprendre. Est-ce que vous lui avez déjà dit qu'il fallait le nettoyer? Bien sûr. Bon, alors est-ce que maintenant on peut revoir la publicité, s'il vous plaît, maître Felono, que dit-elle? Alors, c'est, en fait, madame, bonjour, j'ai un de mes confrères qui vous a envoyé deux lettres. Est-ce que vous avez répondu? Auxquelles nous avons répondu. Ah, d'accord. Mais absolument pas. Alors ça, c'est faux. Attends. Je suis désolé, c'est complètement faux. Alors, attendez, nous avons répondu, monsieur. Alors, madame, est-ce que vous pourriez récupérer ces lettres? Parce que si notre auditeur ment, on ne manquera pas de lui dire. Non, je suis dans mon bureau. Non, mais pas tout de suite. Vous pouvez peut-être, on peut en reparler demain ou après-demain. C'est pas grave. Non, mais c'est personne-là rentre à nouveau en contact avec nous. Bon, alors, on va faire ça. Tranquillement les choses, comme elles sont. Bien, alors, voilà ce qu'on va faire, Louis. Louis, vous permettez. Oui, Louis. Il peut y avoir des... Alors, Louis Argou, et après, je vais reprendre. Allez-y, Louis. Ouais, je laisse parler Madame Moulin avec... Allez-y, Louis, ne perdez pas de temps. Simplement, les deux lettres de mise en demeure qui ont été envoyées par le cabinet d'avocats qui s'occupe de ce cas, enfin qui a commencé en tout cas, ont bien été réceptionnées, parce que j'ai les accusés, et je vous les ai transmis d'ailleurs. Oui. Par contre, ces deux courriers, Madame Moulin, je suis désolé, vous mentez, sont restés sans réponse de votre part, vous n'avez rien manifesté. Vous m'aviez précédemment envoyé un courrier recommandé en me sommant instamment de cesser toute relation avec votre directeur commercial et avec le commercial. Vous nous appelez pour affiner des contre-vérités, mentionnant simplement que cette terrasse est pratiquement auto-nettoyante. Il est bien évident que je vous dis que cette terrasse ne réclame pas d'entretien. Et en cela, c'était simplement d'apporter un entretien de vernissage, de l'azur, d'huile protectrice, etc., sur un élément qui contient un 3%. Non, écoutez-moi, laissez-moi, je dois marquer une pause. Écoutez-moi, s'il vous plaît, tous les deux. S'il vous plaît, on va couper deux secondes. On va couper les deux personnes, parce que là, je suis désolé, moi j'ai un petit impératif. Je voudrais juste dire à Louis, si vous m'écoutez maintenant, cette dame dit, venez me voir. Alors voilà ce que nous allons faire, Louis. Si je ne m'abuse, nous sommes le mardi 28 juin. Allez voir cette dame cet après-midi ou demain, Louis, et nous, jeudi, vendredi, lundi, mardi suivant, nous allons dire sur l'antenne ce qui a été décidé de cette discussion. Mais laissons cette dame, effectivement, je trouve ça tout à fait normal, essayer de régler ça avec vous directement. Est-ce que vous êtes d'accord, Louis? Par contre, Louis... Julien, vous savez, ça fait un an que ça... Louis, Louis, écoutez-moi, Louis. Si vous m'appelez, c'est parce que vous voulez une solution. Sinon, vous n'avez bien sûr, besoin de moi. Donc, la solution, cette dame, je l'appelle, Louis. Je l'appelle, elle dit qu'il vienne me voir directement. Je dis alléluia. Donc, quand est-ce que vous pouvez le recevoir, madame? Elle est avec Hervé. Hervé, est-ce que vous pouvez remettre cette dame sur l'antenne, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, madame, est-ce que vous pouvez recevoir Louis aujourd'hui, demain? Mais je suis à mon bureau. Moi, j'ai bon, alors, ils peuvent venir cet après-midi. Je ne dis pas que vous avez eu des problèmes, madame. Je vous demande si vous pouvez le recevoir cet après-midi. Oui, je suis là. Louis, demain. D'accord, c'est ce qu'on est en train de faire, madame. Ne me dites pas, on prend rendez-vous. On est en train de le prendre actuellement. Louis, vous pouvez y aller demain à quelle heure? Bon, bah, 7h, si madame Moulin veut m'en 7h du matin? Non, c'est un peu tôt. À l'ouverture. À quelle heure vous ouvrez, madame? À quelle heure j'ouvre? C'est pas une boutique ici, c'est une autre. À quelle heure pouvez-vous le recevoir demain matin, madame, de NeoLive, s'il vous plaît? Je regarde mon agenda. Merci. Hervé, vous récupérez, s'il vous plaît. On fixe une. C'est incroyable, cette histoire. Je comprends que les gens. Le plancher, t'as envie de le prendre. Bon, on se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL. J'en profite également pour vous dire qu'à l'occasion de la tournée Folio sur mer, les éditions Folio et RTL offrent à tous les auditeurs intervenant à l'antenne une sélection de leurs meilleurs titres. Retrouvez tous les détails de la tournée Folio sur mer de la mi-juillet à la mi-août sur les plages du Morbihan et de la Méditerranée sur www.folio-lecite.fr. Vous écoutez RTL. Carrefour. Bah, Franck, qu'est-ce que tu fais? Je regarde le catalogue Carrefour au top de ma beauté. Il y a plein de super promos. Mais papa, c'est pas un truc de fille, ça? Même pas du tout, tu vois, par exemple. Jusqu'au 11 juillet chez Carrefour, il y a 40% de remise immédiate sur le déodorant Nivea Men. Et c'est mon préféré. Fais voir un peu? Non, parce que j'ai pas encore fini. Jusqu'au 11 juillet, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, c'est l'opération au top de ma beauté. Par exemple, profitez de 40% de remise immédiate sur le déodorant Bille Nivea Men. 2x50 ml. Carrefour. Vous savez quoi? Le meilleur, c'est les mélanges. Et ça, Belfort Radler l'a compris. Si on mélange le goût affirmé d'une bière du Nord Belfort à la saveur ensoleillée du citron. Si on ajoute la fraîcheur désaltérante d'une bière blonde, à la fraîcheur acidulée du citron, on obtient l'étonnante Belfort Radler. Une alliance de bière et de citron. Une saveur unique, fraîche et pétillante. Belfort Radler, un zeste de fraîcheur. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Louis est en train de discuter avec Madame de Neolife, qui est très en colère contre nous, je peux la comprendre. Nous l'avons simplement appelé pour qu'elle trouve une solution avec Louis, d'autant plus qu'il n'est pas le seul. Et j'ai le deuxième auditeur, qui est Monsieur Manon, qui nous dit qu'une expertise est prévue pour vous. C'est ça, Yves ? Oui, oui, c'est ça, le 25 juillet. Mais maintenant, je ne sais pas s'ils viendront ou pas. Hein. Bah, on verra bien. En tout cas, ils sont assignés. Hein. Vous nous appellerez le 29 août. En tout cas, oui. Le 25 juillet, ils ont été assignés pour venir. Maître Fellonneau. Je dois dire qu'effectivement, l'expertise judiciaire répondra à la question à laquelle tout le monde doit se poser. C'est, voilà, quand on pose une terrasse, il y a le matériau qui peut être remis en cause, mais également la pose et également l'usage. Donc, de ces trois problèmes-là, eh bien, il y aura une solution. Et madame a raison, c'est pas parce qu'il y a deux chantiers qui ne vont pas bien, que le reste ne va pas bien. On n'a jamais dit que c'était On n'a jamais dit que c'était pas bien. Mais en revanche, c'est trop long pour trouver une solution dans ce problème avec Louis. Et il faut effectivement passer à l'expertise judiciaire. Alors, et la vôtre sera très pleine d'enseignements. Hervé, est-ce qu'une date a été trouvée ? Alors écoutez, pour l'instant j'en suis au résumé de l'histoire avec cette dame parce qu'elle ne comprend toujours pas pourquoi on l'a appelée en direct. Ah. Donc on n'en est pas au rendez-vous. Alors, passez-la pour l'instant. Moi s'il vous plaît. Elle est en ligne. Madame, est-ce que vous pouvez recevoir Louis puisque vous souhaitez dialoguer avec lui ? Je trouve que c'est une très bonne solution. Est-ce qu'il peut venir vous voir demain à quelle heure s'il vous plaît madame ? Il peut venir me voir demain à 14h. 14h Louis, ça vous va ? Je me débrouillerai. Bon, allez, 14h demain. Donc, Louis, vous y allez à 14h, vous expliquez à cette dame ce qui ne va pas, et puis on se rappelle après-demain sur l'antenne d'RTL pour voir ce qui est sorti de tout ça et s'il y a du positif. D'autre part, madame, et je ne vous dérange plus après, monsieur Manon nous dit qu'une expertise est prévue judiciaire fin août. Est-ce que vous vous... Fin juillet, est-ce que vous êtes au courant ? Écoutez, oui, effectivement, c'est un dossier de service après-vente. D'accord. On connaît bien Monsieur Manon, c'est un dossier qu'on suit. Malheureusement, il y a des désordres et des désagréments. Donc, on assumera la partie. Lorsqu'un expert est mandaté, effectivement, comme Madame l'expliquait, on analyse le désordre sur trois faisceaux, le matériau, la pose, ou éventuellement l'usage qui est fait de cette terrasse, en l'occurrence. On fait comme ça. Après, ça se fait entre professionnels et on assumera si on a assumé. Merci beaucoup, madame. Louis, on s'appelle donc après-demain sur l'antenne d'RTL et vous me donnez le résultat de tout ça. On fait ça ? Okay, demain, 14h. Merci Louis, merci madame. Merci. Et merci également à Yves Manon. Rendez-vous donc après-demain sur l'antenne d'RTL pour en savoir plus dans ce dossier. N'hésitez pas, toutes vos réactions, c'est au 3210 sur Facebook, la page ça peut vous arriver. Pour gagner l'étape du Tour de France, 3210, touche numéro 2, puis touche numéro 1, ou SMS RTL au 74-900. Hélicoptère, hôtel, pour une étape de montagne, hein, contre la montre. The door. C'est Texas, à l'instant sur l'antenne d'RTL, en vous souhaitant, si c'est le cas, de bonnes vacances, en tout cas un bel été. Mais il y a une petite alerte, car il y a un cas que nous n'avons pas oublié. Nous n'oublions rien, je tiens à vous le dire, nous avons une mémoire d'éléphant. Je parle de Michel, non c'est pas Michel, je parle si, de c'est Michel. Numéro 2. Ah, c'est un Michel également, parce que j'avais un autre Michel. Allô, l'électricien qui a travaillé en sous-traitance, oui, pour madame, une entreprise. Ne coupez pas. Qui avez-vous en ligne, Bernard? Vous êtes la responsable, ne coupez pas. Je suis avec la responsable, Julien, de SBS Bâtiment. SBS Bâtiment, monsieur, bonjour. Je ne suis pas la responsable. Je ne suis pas la responsable de SBS Bâtiment. Julien Courbet à l'appareil. C'est toujours à l'accueil téléphonique. Ah, c'est toujours l'accueil téléphonique. Bah, écoutez, moi, on m'a dit qu'on passait une responsable et j'ai eu une nouvelle voix, donc maintenant, c'est vous êtes la responsable de l'accueil téléphonique. Ah, responsable de l'accueil, oui. Vous êtes fait U. Voilà. Ah, je me suis fait U. Bon, eh bien, c'est pas grave, madame. Donc, il n'y a toujours personne de SBS Bâtiment que vous pouvez contacter. Ils ne sont pas disponibles, non, ils ne sont pas disponibles dans l'immédiat. Allez, ça marche. Merci, madame. Bonne journée. Merci, vous de même. Au revoir. Au revoir, monsieur. On redemande à monsieur Bord. Essayons une nouvelle fois. Je sais qu'il est en train de nous écouter, monsieur Bord. Monsieur Spiro, soyez sympa. Vous êtes des professionnels. Nous sommes juste là pour vous demander si vous comptez régler les 12 000 euros à cet artisan qui est venu travailler pour vous. Il avait déjà eu un impayé. Il est revenu à la confiance. Parce que vous lui avez dit, ne t'inquiète pas, tout va bien. Ça serait quand même sympa de lui parler. Parce qu'on va pas faire comme ça toute l'année. S'il le faut, on le fera. Mais ça va vite lasser les auditeurs. Mais tant pis, dans ces cas-là, je préfère sacrifier l'émission et aller jusqu'au bout des dossiers parce que je veux prouver qu'on ne lâche rien dans le 9h30-11h. J'ai une petite confidence de la personne de l'accueil tout à l'heure qui me disait c'est une plateforme téléphonique, on représente beaucoup de sociétés, on est physiquement là, mais malheureusement les responsables n'y sont pas. Allez, on retente d'appeler dans une seconde et puis après un vrai coup de gueule. Il s'est passé quelque chose en plus à quelques mètres d'RTL qui nous a vraiment révoltés. Vous allez voir quoi dans une seconde sur RTL. Envie d'acheter ce que vous aimez à prix tout doux en beauté, bijoux, maison et mode? La solution, c'est QVC. Chaque jour, dès minuit, découvrez le Today Special Value, l'offre privilège du jour. Alors à ce soir, sur la chaîne télé QVC et la boutique en ligne QVC.fr en tapant trois lettres QVC.fr. QVC, achetez ce que vous aimez, aimez ce RTL. Que vous découvrez. Première radio de France. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. En France, notre artisanat est reconnu dans le monde entier. On a le souci du détail. Dans nos métiers, quand on choisit nos outils ou nos matériaux, on veut de la qualité et de la fiabilité. Pour mon véhicule utilitaire, j'ai donc choisi le numéro 1. Chez Renault, l'excellence est fabriquée en France. La gamme Renault Pro Plus Euro-6 est à partir de 7 990 euros hors taxes. Prix d'un Kangoo Express Compact Énergie DCI 75,06€ incluant 4360 euros de remise et 1500 euros de prime reprise d'un véhicule de plus de 4 ans. Réservé aux professionnels jusqu'au 31 août, voire Renault.fr. Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai 43 ans. Il y a 3 mois, mon médecin m'a dit que ce serait bien pour ma santé que je perde une dizaine de kilos. Ça m'a fait un choc. Et alors? Et alors rien, j'ai pas fait comme j'aime, j'ai toujours mes 10 kilos de trop. Valérie, il n'est pas trop tard. Commencez comme j'aime aujourd'hui et vous aurez perdu vos 10 kilos dans 3 mois. Aujourd'hui, il y a une offre vraiment exceptionnelle. Un mois gratuit. Oui, un mois gratuit en téléphonant au 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. J'accueille Sophie sur l'antenne d'RTL dans le 9h30-11h. Sophie, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Sophie, vous êtes non-voyante. Mais je crois bien. Et vous avez un toutou qui vous aide à vous déplacer. J'ai une petite chienne, tout à fait, qui m'aide à me déplacer, qui est ma chienne Lynn, et qui, depuis la loi du 11 février 2005, dans son article 54, a le droit d'entrer partout dès lors que le lieu reçoit du public. Vous savez, ce sont les fameuses ERP que vous devez bien connaître dans l'émission. Et il n'y a pas très longtemps, je devais aller déjeuner, effectivement, pas très loin de chez vous, dans un restaurant thaïlandais qui s'appelle Siamin rue Bayard. Et je devais y aller y déjeuner en compagnie d'un ami. Et on a refusé que j'entre avec ma chienne. Au prétexte que non, on ne prenait pas de chien, donc je pense que la loi n'était pas connue par ce restaurant. Mais ce qui était très étrange, c'est que j'y suis déjà allée plusieurs fois avec le même chien, pas forcément avec la même personne, donc finalement c'était peut-être à cause c'est peut-être de la personne qui ne pouvait pas rentrer. Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier, cette personne, qui pourrait faire peur au restaurateur? Rien que j'ai remarqué et qui lui a perdu de l'accès à un restaurant. En tout cas, le restaurant d'à côté, lui, nous a vraiment accueillis très gentiment. Mais je trouve ça assez incroyable qu'en France, aujourd'hui, encore en plein Paris, on connaisse si peu les lois. Et puis vraiment, je ne comprends pas pourquoi elle a pu entrer 5 ou 6 fois et pas ce jour-là. Parce que... Alors, on voulait bien me servir en terrasse, mais il faisait pas très chaud. Et puis sur le principe, si on ne me laisse pas entrer, je vois pourquoi je donnerais de l'argent en terrasse. Voilà. Bien sûr. Sophie, permettez-moi de vous poser la question, car vous connaissez beaucoup mieux la loi que moi. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, n'importe quel restaurant, parce que Je me fais l'avocat du diable, hein. Je vous soutiens Sophie, c'est pour ça que vous êtes sur l'antenne, mais certains pourraient se dire qu'il y a une loi d'hygiène qui pourrait interdire les chiens d'entrer. Ça, on est d'accord, ça n'existe pas. La loi française est très très bien faite. Elle stipule que les chiens guides et l'assistance, donc aussi pour les personnes handicapées physiques, ont le droit d'entrer partout, sans surcoût, etc., dès lors que le lieu reçoit du public. Simplement, il y a deux exceptions, notamment les hôpitaux. Ils peuvent entrer les chiens dans les hôpitaux, jusqu'aux salles d'attente, en gros, et à l'accueil. On peut leur refuser, comme dans les cabinets médicaux, l'accès aux salles de soins et aux chambres. D'accord. Mais ils doivent au moins entrer à l'accueil. Et dans les restaurants, bien sûr, ils n'auraient pas le droit d'aller en cuisine. Bien sûr, évidemment. Ils sont, bien sûr, parce que c'est là que se prépare l'alimentation, mais c'est comme dans les boutiques, dans les boucheries, boulangeries, etc. Vous avez le droit d'aller acheter votre pain, votre viande avec votre chien. Simplement, bien sûr, vous ne pouvez pas passer dans le laboratoire derrière, vous n'avez rien à y faire. Bien sûr. Maître Félix, voilà, ça pour les, on est bien d'accord pour les non-voyants, pas pour les voyants qui viendraient avec leur chien chez les commerçants ou là, ça c'est normal, bien sûr. Alors, ça c'est exactement, attention que nos auditeurs ne fassent pas de confusion, la loi parle des chiens guides d'aveugles ou d'assistance. Et donc, les gens qui ont une carte d'invalidité. C'est formel et depuis longtemps, parce qu'au départ c'était une loi de 1987, article 88, qui a été encore plus effectivement amélioré par la loi de 2005, parce qu'on n'a pas le droit de vous faire une surfacturation au principe sur ce motif-là, on doit vous laisser rentrer. La seule chose, effectivement, c'est que les lois européennes disent, attention, chien maîtrisé, ok, dans la salle de restaurant, jamais dans les laboratoires. Du coup, Sophie, vous n'avez pas pu déjeuner à ce restaurant, et donc nous avons... Non, je vais déjeuner à côté. Bah, oui. Et c'est c'est une contravention. On a appelé tonton Georges, tonton Georges qui fait les cadeaux, et tonton Georges vient d'arriver pour me dire qu'un super restaurant, la Haute Cloche, qui est à deux pas des Champs-Élysées, 13 rue Quentin-Bauchard dans le 8e, souhaiterait, par son directeur, vous dire quelque chose. Bonjour monsieur, monsieur Haute Cloche. Oui, bonjour monsieur. Qu'est-ce que pouvez-vous annoncer à Sophie et à son toutou, qui est adorable? Eh bien, je leur annonce à tous les deux que la Haute Cloche sera très heureuse de les recevoir à déjeuner ou à dîner le jour qu'ils choisiront. Étant précisé que ça ne peut pas être un week-end parce que la Haute Cloche est fermée le samedi et le dimanche. Mais du lundi au vendredi, pour déjeuner ou pour dîner, nous recevrons madame et sa chienne avec plaisir. Ah ben bravo. Ça vous va, Sophie? Alors, ça n'enlève rien. Elle ne nous a pas du tout appelé pour ça, Sophie, parce qu'elle n'était pas au courant. Elle nous a juste appelé pour rappeler à tous les restaurateurs qu'un non-voyant qui est accompagné de son chien, qui a une carte, effectivement, comme étant chien guide, on ne peut pas les refuser. Merci beaucoup, monsieur Haute Cloche, de la Haute Cloche, à deux pas des Champs-Élysées. Vous êtes formidable. Rue Bauchard, dans le 8e. Merci beaucoup. Ben voilà, ma Sophie. Il s'appelle comment le toutou? Elle s'appelle Ilou. Ilou, et qu'est-ce que c'est comme race? C'est une braque hongroise. Une braque hongroise. Vous êtes de quelle origine? Vous êtes plutôt de Non, Béziers. Non, mais moi, de Béziers. Ça n'a rien à voir. C'est différent. Une braque de Béziers, peut-être. Merci beaucoup. Gros bisous, Sophie. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, dernière ligne droite pour gagner également l'expérience Skoda. 18e étape du Tour de France. Hélicoptère, hôtel, de nuit. Salange-Mégève. Vous ferez l'étape, entre autres, en hélicoptère 32-10. Touche numéro 2 pour arriver au standard jeu. Puis numéro 1 pour gagner SM. Mais certes, au 74-900. Et nous allons avoir des nouvelles de Sueva. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Sueva. Voilà ce qu'elle nous avait dit, Sueva. Je suis maquilleuse. Une blogueuse me doit 400 euros. J'ai de la veine, si je puis dire, car elle doit encore plus d'argent à d'autres professionnels. Non, la blogueuse revient qui devait des sous. Elle organisait des séances et ne payait pas le personnel. A tout de suite sur RTL pour en savoir plus. Envie d'acheter ce que vous aimez à prix tout doux en beauté, bijoux, maison et mode? La solution, c'est QVC. Chaque jour, dès minuit, découvrez le Today Special Value, l'offre privilège du jour. Alors à ce soir, sur la chaîne télé QVC et la boutique en ligne QVC.fr en tapant trois lettres QVC.fr. QVC, achetez ce que vous aimez, aimez ce que vous découvrez. RTL, première radio de France. Chez Intermarché. Jusqu'au 10 juillet, la pizza haut cœur Ristorante est à 2,15€ avec en plus 40% en avantage carte. Oui, 40%. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété 4 fromages, 340 grammes, 6,33€ le kilo. Conditions et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française, mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Oh, et finalement, qui a été ton prix? Alors, en fait, eh bien, nous allons retrouver tout de suite notre ami Julien qui était en train de boire un petit café. Hein. Pas un petit café. Figurez-vous que j'étais en train de préparer un coup de gueule. J'ai de raccrocher à la personne au nez parce qu'on m'a appelé pour un coup de gueule. Et ça vous concerne, Bernard Sabat. C'est une dame qui prétend être ma femme. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je n'ai pas reconnu sa voix, mais non. Ça lui ressemblait un petit peu. Qui est à Bordeaux actuellement et qui doit venir à Paris. Oui. Hier soir, elle a reçu un texto disant le vol est annulé. Annulé, exact. Mais il est annulé que pour elle parce que il paraît qu'elle aurait deux enfants qui seraient les miens. Ça aussi, ça serait eux. Ils étaient dans l'avion, donc elle s'est pointée quand même ce matin. Elle a dit non, mais vous pouvez quand même venir, bien que le vol était annulé. Et le vol est à l'heure. Elle arrive dans la salle d'embarquement. Une fois qu'ils sont dans la salle d'embarquement, on vient de leur dire il y aura deux heures de retard. Ah oui. Et moi, je voudrais dire à Air France la chose suivante. Écoutez, ça peut arriver, mais est-ce que vous savez la soirée que je vais passer, moi, ce soir, quand elle va rentrer énervée? Est-ce que vous avez pensé une seconde à ce que je vais me prendre ce soir? Alors faites-la partir où vous voulez, mais qu'elle parte! Parce que là, elle m'appelle pendant l'émission de radio, ça n'arrête pas de sonner. Et connaissant Catherine, je vais vous dire que c'est une vraie tour de contrôle, elle rigole pas. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On accueille Sueva? Sueva! Bonjour Sueva. Ça bonjour. Ouais, j'ai eu ton numéro sur Mythique. Ah, ça m'étonnerait, mais c'est bon. Comment ça m'étonnerait? Vous n'êtes pas sur Mythique, Sueva? Pas du tout. Comment s'appelle l'application où on trouve des fiancés autour de chez soi? Tinder. Vous n'êtes pas sur Tinder également? Pas du tout. Ah, Tinder, c'est bien, Maître Felono. Vous qui habitez un peu excentré, vous pouvez trouver des hommes et des femmes de votre âge, de votre physique, de ce que vous voulez, juste à côté de chez vous. Non, même chez moi. D'ailleurs, je le trouve chez moi. À deux rues de chez vous, déjà, non, c'est bien. Ça marche bien, ça, Tinder? Ça marche très, très bien. Mais j'ai vu Maître Felono. Mais combien, quand on dit à côté de chez vous, c'est à combien à peu près? Ah, mais vous choisissez, hein, c'est entre 5 et 100, voire 300 kilomètres. Hein. Moi, je travaille juste à côté de chez vous, 300 kilomètres. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est un qu'on peut y aller en chaussons. Bah, lui, je vais vous dire. Lui, quand elle voit les photos, la distance n'arrête pas de s'être. Au début, il dit « Je cherche une nana à 10 mètres de chez moi ». Alors, il envoie sa photo, aucune réponse. Bon, écoutez, je suis prêt à faire 5 kilomètres. Il envoie sa photo, aucune réponse. Bon, alors écoutez, s'il le faut, je fais 100 kilomètres, voici ma photo. Mais pas plus. Aucune réponse. Bon alors, maintenant c'est fini, c'est ma dernière offre. Je suis prêt à aller n'importe où en Europe, voici ma photo. Et là, pour l'instant, toujours rien, mais ça va arriver. Si, j'ai eu une réponse à 3500 kilomètres, ça fait un peu loin quand même. Bon, Masueva, vous nous aviez dit que vous étiez maquilleuse à votre compte et vous aviez travaillé le 11 mars dernier pour une blogueuse. Il s'agissait d'une séance photo pour un grand magazine et la blogueuse vous devait 400 euros. Alors on a appelé, encore appelé, on avait fini par avoir, je crois, cette personne il y a quelque temps, et elle avait dit je vais payer, j'ai des problèmes mais ça va s'arranger. Où en est ton mari, s'il vous plaît? Donc on avait fait un retour déjà, on avait appris, Julien, que la blogueuse qui s'appelle Anne Leléon, donc avait fini par régler 150 euros sur les 250 qu'elle devait à Sueva, et en parallèle elle a versé 1900 euros au webmaster sur les 3000 qu'elle lui devait. Et il reste Lou, la photographe, donc qui est en ligne avec nous aussi. Lou qui est à l'aéroport de Madrid, qui a pas tardé à décoller d'ailleurs. On va lui dire bonjour. Bonjour Lou. Donc vous êtes photographe, et vous devez près de 2000 euros. Où en êtes-vous, Lou? Eh ben, j'ai toujours pas récupéré un seul euro. Oh, donc apparemment, elle n'est plus sur mon dossier, comme elle m'a dit. Mais du coup, je n'ai pas eu d'autres réponses à part celle-là. Elle vous a dit « je ne suis plus sur votre dossier ». Oui, j'ai écrit un mail. Elle m'a répondu « je ne suis plus sur votre dossier, désolée ». Voilà. Eh bien, nous allons réenclencher la machine, car nous ne laissons jamais, jamais tomber. C'est bien dommage. Encore une fois, on peut toujours trouver des arrangements. Les gens ne sont pas idiots. Ils savent que plutôt que rien avoir, il vaut mieux trouver un arrangement. Mais si on dit dès le départ « il n'y aura rien du tout », effectivement, ça n'aide pas au dialogue. Donc une nouvelle fois, nous allons laisser un message. Alors, la webmaster, où est-ce qu'elle est, la dame en question? C'est la blogueuse, la voici, c'est Anne Leléon. Anne Leléon, la tête dans les étoiles, donc je suppose que c'est peut-être message le nom de son blog. Bonjour. La tête dans les étoiles et le portefeuille bien caché. La tête, on sait où elle est. C'est le portefeuille, lui, on ne sait pas s'il est dans les étoiles, s'il est dans un coffre, mais en tout cas... C'est dommage, parce qu'il est beau, ce blog. Ben oui, il est beau. Oui, elle a du talent. Elle prend des super professionnels. Moi aussi, vous me donnez une équipe de foot, je prends Zidane, etc. Elle vous dit, non, elle est belle, ton équipe de foot. Seulement, si je ne les paie pas, ça pose des problèmes. Ah, vous êtes moqueur. On relance la machine, Sueva, ne vous inquiétez pas. On relance la machine aussi pour vous, Lou, qui est à Madrid d'ailleurs aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites à Madrid, Lou? Eh ben, j'étais en week-end. Oh, en amoureuse. Avec, voilà. Bon, allez, c'est on ça. Vous tient au courant avec la blogueuse Anne Le Léon. Merci de nous contacter, Anne Le Léon. Merci à vous deux. Oh oui, que se passe-t-il, Alain Hazard? Oui, il y a aussi le webmaster qu'on n'arrive pas à joindre. On a essayé de le joindre hier. Elle lui doit également 3000 euros. Non, mais j'ai l'impression, enfin, franchement, qu'à un moment donné, il va falloir passer à la vitesse supérieure, car je pense que cette dame n'a pas les sous. Et ce qui me fait juste peur, c'est de voir que le blog existe toujours. J'espère qu'elle ne continue pas à faire venir des gens et à ne pas les payer, parce que là, c'est gravissime. C'est le risque. Nous nous retrouvons, mais nous ne lâchons pas. C'est un dossier pour Marie et pour Sarah, bien sûr. Sur l'antenne d'RTL, nous ferons le point info et nous allons avoir la gagnante. On me dit qu'on peut l'appeler ou le gagnant tout de suite. Alors, nous allons voir si c'est un homme, une femme. Étape du Tour de France en hélicoptère. En plus, une étape de montagne. 2 jours à l'hôtel. Pack VIP grâce à Skoda. C'est parti. Il y aura même le dîner de clôture. Un cadeau personnalisé. Alors, est-ce que quelqu'un va nous répondre? Oui, allô? Oui, allô? Quel est votre prénom? Bonjour, Dominique. Bonjour, Dominique. Vous savez qui est à l'appareil? Je me doute, oui. Alors, donnez son nom et on n'en parle plus. Bonjour, Julien. Bonjour, Dominique. Ça, c'est Hervé Pouchol qui a une alerte. Apparemment, une femme a enfin dans son quartier décidé de venir, mais en vélo. C'est pour ça qu'elle envoie cette petite alerte. En vélo, oui. Alors, est-ce que vous êtes mariée, Dominique? Non, pas mariée, mais je vis avec quelqu'un. Et qui aime le vélo? Oh, oui. Beaucoup. Il a beaucoup le vélo, donc il va partir. Je ne sais pas si c'est pour un ou si c'est pour deux. C'est pour deux. Moi, je pars en voiture et lui, il part en vélo. Mais non, mais vous allez partir tous les deux, vivre l'étape avec l'hélicoptère, l'hôtel, etc. Non, mais c'est un super cadeau, hein, une étape du Tour de France. Il y a des gens qui se damneraient pour y assister. Vous allez y assister en VIP grâce à Skoda. Vous allez monter dans l'hélico et tout. C'est juste un souvenir inoubliable, Dominique. Bah, j'imagine, oui. Je vous fais un gros bisou, Dominique. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Demeure tes Moselles. Allez. Oui, tout à fait. À bientôt et on va rejouer ces jours-ci. Vous inquiétez pas, demain on remet ça et vous aurez votre chance. C'est Claudio Capeo. Il avait gagné, je crois, ou The Voice ou autre chose. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. En ce moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire, à part l'ivresse comme futur? Que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie, abandonner. Que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Stop. Il s'appelle Claudio Capeo, un homme debout. Alors, il a tenté l'aventure The Voice. Je crois qu'il n'a pas gagné. Hein. Claudio Capeo nous propose son premier single, Un homme debout. Et vous trouvez pas qu'il a la voix de Gérard Manset ? Un petit peu. Celui qui chantait Il voyage en solitaire. Tout à fait. Bah, toi, tu voyages pas en solitaire, hein, toi. Solitaire. Voilà. Bon, quelques informations puisque ça intéresse tout le monde. Donc, l'avion de mon épouse a bien été annulé parce que je viens avoir un 17e appel en 14 minutes et donc il a bien été annulé, elle en a pris un autre qui lui a 2 heures de retard, mais là on apprend par Bernard Sabat qu'il y a une grève des contrôleurs aériens en ce moment et c'est ça qui un petit peu met tout le monde en difficulté. Il faut les augmenter, leur donner moins de jours de travail, comme ça on pourra prendre l'avion, voilà, qu'on passe une fois pour toutes aux 100 jours travaillés par an, à 10 000 euros par mois, et moi je ne demande qu'une chose, c'est que les gens soient contents, voilà, qu'on leur donne qu'on puisse prendre l'avion tranquillement. Nous allons maintenant prendre Céline en ligne. Céline, bonjour. Céline, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous répondez pas, Céline ? Contente. Alors, Céline, vous êtes passée il y a quelques jours. Réécoutons ce que vous nous aviez dit. En janvier, je commande dans un grand magasin un lit et un sommier. Je paye 1 760 €. J'attends toujours que le grand magasin daigne me livrer vraiment, car depuis, on ne me raconte que des histoires à dormir debout. Et figurez-vous que le service après-vente de But à Guingamp a décidé de vous rappeler. Où en êtes-vous, Céline ? Ça s'est enfin débloqué, Julien. Merci beaucoup. On a été livré 5 jours après l'émission. Les frais de livraison ont été remboursés. On nous a offert les oreillers. Donc ça a été très très long, 6 mois quand même. Mais c'est enfin fini grâce à vous. Donc alors, merci beaucoup. Est-ce que vous avez reçu le matelas et le sommier ? Le matelas et le sommier ensemble. Bien. Est-ce que vous l'avez essayé, le matelas et le sommier ? Racontez-nous un peu. Vous avez bien dormi ? C'est tout ce que je veux savoir. Bien dormi. Ah ben voilà, c'est ce qui compte. Oui, Bernard. Non, mais faut remercier évidemment Choisissez Bien, Choisissez But, parce que là, ils ont été extraordinaires et efficaces. À chaque fois, on peut le dire, ça fait partie des grandes enseignes. À chaque fois que nous appelons But, ils règlent le problème. Ce sont des gens sérieux. Il y a énormément de transactions, ce qui fait qu'il peut y avoir un petit couac de temps en temps. Mais à chaque fois qu'on appelle But, c'est réglé. Bravo But, Choisissez Bien, Choisissez But. Salut Céline, bon été. Merci, au revoir. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? T'es chez Lidl ? Chez Lidl sur mer, oui. Dès demain, pendant la foire aux poissons, la bourriche de 2 douzaines d'huîtres creuses numéro 3, origine France, est à 8,99€. Les 24 huîtres creuses numéro 3 pour moins de 9€. On est encore largué, y en a marre. Oh, c'est le vrai prix, patron, hein. 8,99€ la bourriche de 2 douzaines. J'en prends une ? C'est ça, oui, du citron tant qu'on y est. On est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Offre valable jusqu'au samedi 2 juillet. Origine Bretagne ou Normandie selon magasin. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Saviez-vous qu'il existe un moyen encore plus simple que la radio pour écouter votre radio préférée ? Avec RTL.fr ou l'appli RTL sur votre smartphone, vous n'avez plus besoin de connaître notre fréquence. Vous captez RTL parfaitement, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, partout en France et dans le monde. Vous continuez d'écouter RTL à Pékin par Internet, c'est bien ça ? RTL bouge, vous aussi. Alors retrouvons-nous sur RTL.fr ou sur l'appli RTL de votre smartphone. RTL, première radio de France. Merci Stéphane Bernet prêt. On se retrouve demain en direct à 9h30. Vous avez choisi la radio numéro 1, la radio qui va vous faire passer un super été. Merci Bernard et Hervé. Merci. Merci Nathalie. Merci à toute l'équipe. Il est 11h. Allez Titine, c'est l'heure de ta remise en forme pour préparer la route de l'été. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Filtre, climatisation, vidange, amortisseur. Des offres jusqu'à moins 30% dans votre garage AD. Rendez-vous sur AD.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions des offres sur AD.fr. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. Je prends sur moi, c'est moi qui ai merdouillé. Pardon. Il est 11h. L'information, c'est avec vous, Céline Landreau. Rebonjour. Rebonjour, Julien. Bonjour à tous. Jean-Claude Juncker appelle Londres à clarifier sa situation le plus rapidement possible. Nous ne pouvons pas nous installer dans une incertitude prolongée, insiste le président de la Commission européenne. Le Royaume-Uni sous pression aujourd'hui à Bruxelles. Les 27 plus 1 donc sont réunis pour le premier sommet européen post-Brexit, avec dans toutes les têtes évidemment le vote des Britanniques pour quitter l'Union. Londres ne pourra pas choisir à la carte ce qu'elle qu'elle veut de l'Union européenne, vient de déclarer à l'instant la chancelière allemande Angela Merkel. C'est la 11e fois qu'ils battront le pavé parisien. Les opposants à la loi travail manifestent cet après-midi à Paris. Manifestation autorisée mais très surveillée entre Bastille et la place d'Italie. 2500 policiers et gendarmes sont mobilisés. Par ailleurs, une centaine d'interdictions de paraître ont été prises. Autre conséquence du mouvement contre le projet de loi El Khomri, la tour Eiffel est fermée au public aujourd'hui. Les effectifs étaient insuffisants en raison de la grève. Un mois et demi après le crash du vol égyptien reliant Paris au Caire, l'une des deux boîtes noires, celle qui contient les paramètres de vol, a pu être réparée. Les réparations sur la seconde, celle qui enregistre les conversations dans le cockpit, doivent commencer aujourd'hui au laboratoire du BEA, le bureau d'enquête et d'analyse. L'Airbus A320 s'est écrasé, je vous le rappelle, le 19 mai en Méditerranée pour des raisons encore inconnues. Il y avait 66 personnes à bord. Et puis pour la première fois en France, les préjudices d'attente et d'angoisse sont reconnus par les assurances. RTL vous le révélait ce matin, les proches des victimes de l'accident depuis Seguin vont être indemnisés à ce titre. 43 personnes étaient mortes, brûlées vives dans ce drame. 500 proches de victimes et survivants sont concernés. Avec 329 000 habitants, c'est le plus petit pays jamais qualifié pour un euro. Il fait trembler les plus grands. L'Islande a fait tomber l'Angleterre hier soir, pays inventeur du football, victoire 2-1. Ce sont donc les Islandais qui affronteront les Bleus dimanche soir en quart de finale. Et cette affiche, c'est l'objet de la question du jour sur RTL. Craignez-vous un excès de confiance des Bleus face à l'Islande? Vous pouvez déjà nous répondre sur notre site rtl.fr et appeler bien sûr le 3210 dès midi. Le temps, un pays coupé en deux aujourd'hui, du soleil au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon, plus de nuages au nord avec quelques pluies, notamment en Lorraine et sur le nord-ouest en fin d'après-midi. Les températures de 18 à 32 degrés cet après-midi de Lorient à Nîmes, 22 à Dunkerque, 23 à Paris et Strasbourg ou encore 28 degrés à Lyon. Le quintet, lui, va se courir à Saint-Cloud et Bernard Glass vous propose de jouer le 6, le 3, le 11, le 2, le 12, le 13 et le 15, 6, 3, 11, 2, 12, 13 et 15. Sa dernière minute, c'est le 15, justement, initial. Attention, le 4 Summer Quality est non partant. Il est 11h, passé de 3 minutes. Vous écoutez RTL. À la bonne heure, c'est maintenant avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup, Céline Landreau. On vous retrouve naturellement à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Et nous, on plonge maintenant avec délice, il faut bien le dire, dans À la bonne heure. Oui, avec nos invités, je vais vous les présenter dans un instant. Il y a Pascal Arbillot et Thierry Neuvik. Je vois que Pascal se demande comment le micro va tenir. Oui, mais j'arrive pas à le. Oui, mais vous le mettez à votre taille, vous le mettez comme vous voulez. Comme ça. Il est mobile. D'accord. En fait, voilà. Alors, je vais d'abord vous présenter mes petits camarades. Oui, on le dira pour la dernière fois de cette saison. J'espère. Oui. Bah, vous allez revenir. J'espère bien. Ah, bah, je compte sur vous. J'en parlerai à qui de droit. Très bien. Mais ce garçon n'est peut-être pas très net. Il trouve quand même des perles sur Internet. C'est Cyprien Sini. Bonjour à tous. Alors, comme les vacances approchent, je vous ai trouvé la meilleure place dans l'avion. Ah oui, c'est laquelle? Ah bah vous verrez, il faut rester. Il paraît que c'est si derrière. En cas de crash, il faut être derrière. Ça c'est vrai, mais c'est pas forcément la meilleure place. Non, pas obligé d'avoir un crash. Attends, je suis toujours près des toilettes, j'en peux plus. c'est donc vous. Non. On gagne un peu d'argent en même temps. Pourquoi? Ben non, c'est gratuit. Vous faites la quête. Eh ben bravo. Eh bien, bientôt le temps des vacances, mais lui c'est Maillot Express et toute l'année Régis Maillot. Bonjour à tous. Eh bien, nous évoquerons l'actualité. Je vous parlerai également d'un livre de Philippe.